4. De la nature de la propriété intellectuelle. Lu par Schmilblick. De la nature de la propriété intellectuelle. Janvier 2001, le MIDEM de Cannes. La grande messe annuelle de l'industrie musicale, plus habituée aux congratulations sirupeuses, fait un couac. Dans une lettre ouverte, quelques vedettes y donnent de la voix. Charles Aznavour, Rachid Taha, Mylène Farmer, Pascal Obispo. L'objet de leur ire, ces vilains internautes qui copient leur musique sous forme de fichiers numériques. Les signataires y voient une insoutenable atteinte à leur droit de propriété, qui n'est pourtant pas différent de celui que chaque Français a, par exemple, sur sa maison, sa voiture ou son ordinateur. Ils posent une question en apparence triviale. La musique n'appartient-elle pas d'abord à ceux qui la font ? Auteurs, artistes, producteurs ? La question est faussement simple et bien plus générale. Quelle est donc la nature du droit des créateurs sur leur création ? Celle d'un chanteur sur sa chanson, d'un parolier sur ses rimes, d'un labo sur la molécule trouvée par ses chercheurs pour lutter contre telle ou telle pathologie? Pour les signataires de cette lettre ouverte, aucun doute, leur ritournelle doit être assimilée à une maison, une voiture. Puisque ta Renault n'est pas la mienne, mon tube n'est pas le tien. L'analogie semble frapper au coin du bon sens. Le droit d'auteur est bien, en France, un élément du corpus juridique baptisé « propriété intellectuelle ». Propriété sur les œuvres de l'esprit, propriété sur la matière, même mot, même combat. Si Charles Aznavour lui-même ne vous a pas invité chez lui, il est hors de question d'y venir dîner. C'est le fondement de la propriété. Un droit d'interdire, d'exclure, de se réserver la jouissance d'un bien. Ou de l'autoriser, mais à ses conditions. Il n'y aurait donc aucune raison d'écouter la chanson « La Bohème » sans y avoir été invité, voire pire, de la copier sur son disque dur sans autorisation explicite. Aznavour et ses collègues ont à ce titre d'illustres prédécesseurs. L'œuvre intellectuelle est une propriété communautaire, comme une maison. Elle doit jouir des mêmes droits, écrivait déjà Napoléon III. La France a été l'une des toutes premières nations à mettre en place une loi sur le droit d'auteur en 1791. Au 19e, le pugilat sera général pour tenter de déterminer quelle est la nature de la propriété d'un auteur sur son œuvre. Le débat se posera en l'occurrence souvent dans les mêmes termes que pour la propriété sur une invention. Le plus jusqu'au boutiste des tenants de l'équivalence entre propriété intellectuelle et propriété physique est un Belge du nom d'Ambroise Marcelin Jobard et se veut le théoricien du monopole de l'auteur.